Les souvenirs de l'Église assyrienne catholique apostolique sainte de l'Est. Sa sainteté Marius Ipknanisho. Archevêque de Chamadin et Rustaka. Jeudi 18 mai 1893, Marincho, Turquie. Ah. Dimanche 3 juillet 1977, Bagdad, Irak. Une courte biographie. Il y a quelques siècles, les Assyriens ont été en passant par une phase périlleuse dans leur histoire longue et polyvalve. Ils étaient entourés de tous côtés, par nationalités fanatiques et non chrétiens, qui ne faisaient pas mystère de leurs intentions maléfiques de les harceler constamment moins de renoncer à leur foi chrétienne. Les Assyriens ont été soumis à toutes sortes de crimes odieux de meurtre au bruissement de leur bétail, les enlèvements et les agressions de leurs jeunes femmes, et pire encore, de commettre des actes de sacrilège, contre les ecclésiastiques et les propriétés de l'Église sacrée. Depuis le 1er siècle, l'Église d'Orient consacrait ses prélats, parmi une assemblée de leurs pères. Altitude des archevêques, ou évêques pour le grade immédiatement supérieur, a été traitée de la même manière. Dans le cas d'une voire étant vacant, en raison du décès de l'ancien titulaire du bureau, une date a été fixée, pour la tenue d'élections pour un successeur. Prélat de qualification, de diocèse éparpillé procédera immédiatement à l'endroit prédéterminé, où le scrutin aurait lieu. Chaque prélat était accompagné par un grand cortège voyagé pendant des jours, des semaines ou des mois à travers un terrain très accidenté et montagneux ou désertique aride. Le plus souvent, leur parcours traverserait les territoires habités, par des tribus de maraudeurs sauvages et barbares qui ont attaqué, sur leurs victimes innocentes de piller et de tuer. Ceux qui échappèrent à la mort aux mains des bandits, ont perdu la vie par suite de maladies, d'épidémies ou d'accidents résultant, d'un voyage très fatigant longtemps fait soit à pied ou à dos de mulet, le seul moyen de transport disponible à ce moment. Pour se prémunir contre ces catastrophes désastreuses subies par l'Église, à chaque fois qu'une assemblée a été appelée à choisir un prélat, la hiérarchie est venue avec une proposition raisonnable, qui permettrait de réduire le risque de perdre tant de vies précieuses, qui tous s'étaient dévouées au service du Seigneur et de l'humanité. Pour administrer leur domaine, avec beaucoup de sagesse et de diligence, ils ont présenté une recommandation à la direction temporelle, le clergé et les laïcs, ce qui suggère que, dans les circonstances actuelles, il serait souhaitable de ne pas organiser des élections pour les évêques, archevêques et le catholico-patriarche, le chef suprême de l'Église, mais de mettre en place un système héréditaire où un prélat, à sa mort, doit être remplacé par un héritier élevé depuis sa naissance dans la discipline de l'Église stricte célibat. L'héritier a été consacré, s'il s'est révélé posséder toutes les vertus et les autres qualités requises d'une personne, qui devait assumer le leadership spirituel du troupeau qui lui est confié. En plus d'avoir maîtrisé les rites et la liturgie, son dossier doit être exempt de toute transgression, qui sont incompatibles avec les principes fondamentaux de l'Église. Il doit prêter serment d'être fidèle à la tête de l'Église, et de la promesse de servir l'Église avec abnégation, avec dévouement, d'abnégation et d'intégrité. Cette hypothèse a été soigneusement délibérée par la direction temporelle, et après consultation, avec leurs disciples se mis en marche à l'unanimité, en faveur de la proposition. Ainsi, le conseil hiérarchique a été entièrement souscrit avec la plus grande conviction, par la direction avec le consensus général du peuple. Lors d'une session spéciale du synode, cette proposition a été adoptée et promulguée comme loi syndique. Cette loi prévoit que chaque prélat d'avoir son neveu paternel premier-né mis en place sous la supervision ecclésiastique, d'être formé entièrement dans les enseignements complexes de la proclamation du dogme de l'Église, en vue d'être en mesure d'hériter du titre et l'autorité épiscopale exercée par ses prédécesseurs à l'époque de sa disparition. L'Église a également mis sur des directives précises quant à la façon dont l'héritier doit être porté dès l'enfance à l'âge adulte, afin de se qualifier pour la prise en charge de la fonction spirituelle hautement considérée. Il était en conformité avec cette longue tradition de l'Église d'Orient, la mère du défunt archevêque Marius Ipknanisho, lorsque conçue avec son enfant, qui a été consacré au service du Seigneur, exerçait abnégation en s'abstenant de toute nourriture préparée à partir de viande d'animaux, ou de viande étant l'un des ingrédients, jusqu'au moment où il est né en 1893. Dès l'instant où il est né, Marius Ipknanisho a grandi dans déférence rigide aux exigences canoniques. La plupart des Assyriens sont conscients que Marius Ip vient d'une longue lignée de succession dans la famille de Marc Nanisho, le nom porté par tous les archevêques, qui accèdent au siège de Chamadin, la deuxième plus haute fonction au sein de l'Église d'Orient. Cette cellule archevêque de Chamadin et Rustaka était situé dans le village de Marincho dans la province de Chamadin, Turquie. Le monastère Marincho, construit au début du 5e siècle, contenait le bureau et la résidence officielle de l'archevêque. La famille Marknanicho est bien connue pour sa piété, de douceur et de noblesse. Selon des documents historiques conservés, 12 archevêques ont occupé ce poste élevé dans l'administration de l'Église, qui ont tous fait leur preuve, sans l'ombre d'un doute, être dotés de solidité spirituelle, vertu intacte, la sagacité et la sagesse, d'ailleurs leur fidélité, et leur dévouement envers les dirigeants de l'Église ont toujours été sans équivoque et sans faille. Les tombes de 5 de leurs saints-pères, enterrées dans le temple du monastère de Marincho, peuvent être facilement discernées des pierres gravées encore intactes. Les tombes de 3 autres archevêques défunts n'ont pu être trouvées que le temple a subi de nombreux changements au cours des dernières centaines d'années. La 9e archevêque dans cette ligne de succession a été inhumée dans l'église de Gneshmoni dans le village de Charoukine dans la province de Botan, Turquie. Il revenait d'un pèlerinage en Terre Sainte, quand il a été soudainement atteint d'une maladie mortelle, qui a fini sa vie. Le 10e archevêque de Chamadin est décédé au cours de l'une de ses visites de routine aux différentes paroisses, sous sa juridiction. À la demande de ses paroissiens fidèles, qui le vénéraient profondément, a été interné dans l'église de Martomachlika, Saint Thomas l'Apôtre, église dans le village de Balolan, Targawari nord-ouest de l'Iran. Au lendemain de la Première Guerre mondiale, Mariska Knanicho, la 11e archevêque dans sa ligne, a perdu sa précieuse vie, comme beaucoup d'autres milliers de ces personnes qui ont péri, pendant le long exode de leurs ancêtres patriés en Turquie et Iran. Ils traversaient les hautes montagnes et des ravins profonds à la recherche d'un havre de paix pour se reposer leurs os fatigués. Le choléra et d'autres maladies mortelles ont pris la vie de 2/3 de l'ensemble de la population assyrienne. Mariska Knanicho, que l'on croyait être un vrai saint, a été enterré à Kermanza, une ville située sur la frontière orientale de l'Iran. Un sanctuaire a été construit sur sa tombe à laquelle des milliers, de toutes les sectes religieuses, en pèlerinage chaque année à partir de toutes les parties de l'Iran. Le 12e et dernier des archevêques, la famille Marknanicho, a fait don à l'église, a été sa béatitude la fin Mariusip Knanicho, Dieu est son âme. Il a été admis au ciel par son Père Céleste, le dimanche le 3 de juillet 1977, dans la ville de Bagdad, la capitale de l'Irak, Mésopotamie. À un âge précoce, tandis qu'un jeune garçon, il était conscient de ce que la position sublime, il a été consacré, ainsi qu'il avait appris par cœur les rites eucharistiques complets, effectués dans l'église par un diacre ou prêtre. Il a été instruit de manière adéquate par un érudit, le révérend Rehana, l'oncle de son père, qui était bien versé dans les langues araméennes, russes et turques et une autorité dans la théologie orientale. Révérend Rehana était à la tête du séminaire dans le monastère de Marincho, et il a donné des cours à un certain nombre d'étudiants, qui étudient pour le sacerdoce. À partir de ce séminaire de diplômés, pour devenir évêque, et les prêtres dans divers diocèses et les paroisses. Quand il était de 12 ans jeunesse, Mariusip a été ordonné diacre. En 1912, Mariusip avait déjà acquis une connaissance approfondie de la théologie, et c'est pourquoi il a été trouvé à être bien adapté pour être ordonné prêtre. En l'an 1914, au début de la Première Guerre mondiale, il a été envoyé comme délégué représentant l'archevêque Mariska Knanicho à participer à une réunion le plus important appelée par sa sainteté Marbinyamin Shimin, le patriarche catholico de la cellule patriarcale d'Ankshani, Turquie. La signification était destinée à discuter des effets de la Première Guerre mondiale sur l'Église et de la nation et de se préparer au changement qui devait avoir lieu. Tandis que là, il a été consacré évêque le lundi 10 août 1914, par sa sainteté et a été nommé assistant du patriarche. Il est resté donc Chani, jusqu'en 1916, lorsque les Assyriens ont dû quitter leur patrie et tous leurs biens à la suite de la Grande Guerre. Après l'assassinat perfide du patriarche Marbinyamin en 1918, Mariusip supposait dans une large mesure les dirigeants de la nation, jusqu'à ce que les Assyriens sont arrivés dans les camps de réfugiés mis en place par la Croix-Rouge et la Ligue des Nations, à Bakoba, en Irak en 1918. En décembre 1918, sa seigneurie a été élevée au rang d'archevêque de Bagdad en Irak, par le défunt patriarche Marpoul Shimin. Lorsque Marie Shimin, le patriarche catholico, fut exilé en 1933, par le régime monarchique de marionnettes de l'Irak, Mariusip Knanicho était chargé de l'administration de l'Église, en Irak et au Moyen-Orient. En 1973, Lord Marie Chimin démissionné de son poste, le catholico-patriarche Marius Ipknanisho a été investi des responsabilités de l'administration de l'Église de l'Orient à travers le monde. Dans le même temps, le gouvernement irakien a publié un décret républicain nommant Marius Ipknanisho comme le chef suprême de toutes les Assyriens en Irak. Le dimanche 3 juillet 1977, à 13h10, sa béatitude est décédé à Bagdad, en Irak. Sa mort coïncide avec la fête célébrée chaque année, en souvenir de Mar Thomas Shlika, saint Thomas l'apôtre. Ses funérailles ont eu lieu le mercredi 6 juillet 1977, à l'église de Marjewarji Adora, dans la banlieue de Bagdad. Prendre part à des services, était sa béatitude Mar Narseh, archevêque du Liban, qui a volé de Beyrouth pour l'occasion, assisté de Mar Daniel, évêque de Kirkouk, en Irak, et un très grand nombre de prêtres et de diacres. Plus de 12 000 personnes sont venues de toutes les régions du pays de participer à la procession funéraire de ce personnage vénéré et saint qui était aimé et adoré par tous ceux qui le connaissaient. Un grand nombre de dignitaires ont assisté aux cérémonies funéraires, parmi eux un représentant du gouvernement de Oran représentant Son Excellence Ahmed Hassan al-Bakar, le président de la République irakienne, d'autres ministres et fonctionnaires, l'archevêque catholique représentant Sa Sainteté le Pape, comme ambassadeur en Irak, Sa Sainteté Mar Polushenko, le patriarche de Babylone de l'Église chaldéenne, Sa Béatitude Mar Ignatius Zaka de l'Église orthodoxe syrienne, Mar Andrew Osana, chef du Congrès pour la langue assyrienne et plusieurs autres. À 10h, le cercueil drapé du regretté chef spirituel, porté par le clergé, agissant en tant que porteur de cercueil, a été retiré de Marjewarji Église et placé dans un corbillard suivi par des milliers de personnes de toutes les confessions chrétiennes, et des musulmans aussi, avec des larmes de chagrin, jetant sur leur visage. Des centaines de jeunes de nos différentes paroisses ont suivi le cercueil couronne d'appui des guirlandes et des photos des défunts ecclésiastiques. Quand le cortège de cortège est arrivé à l'église Sainte-Marie, à Nereya, la dernière demeure de ce saint homme, une très grande foule avait été se rassembler là pendant des heures. Après les derniers rites, ont été administrés conformément à la tradition de l'Église. Puis tous les pleureuses payaient leur dernier hommage à ce pasteur bien-aimé qui a quitté son troupeau les vertus qu'il possédait comme la douceur, l'amour, le dévouement, la bonté, la fidélité, le pardon, l'intégrité, l'humanité et de la justice. Son corps sanctifié a été enterré dans le sol, et de son os consolation de débit et de consolation pour les cœurs de ceux qui prient dans sa mémoire. La fin Marius Ipknanisho a écrit de nombreux livres de prières comme Kaskol, un livre de cantiques, et a traduit la liturgie de l'ordination, les sacrements de l'Église, et d'autres. Il est l'auteur de nombreux livres de la sienne, y compris les compositions de louanges à chanter lors des fêtes religieuses, dont beaucoup ont été publiées dans le livre de Turgama. Le rayonnement lumineux sacré, qui émanait de son visage saint, se souviendra toujours de milliers de personnes qui ont eu le privilège d'avoir eu une audience avec lui. Il a suivi attentivement les traces de son Seigneur et Maître, Jésus-Christ, et il est maintenant dans la communion avec lui dans le ciel. Il a prêché la tolérance, la compassion, la générosité et la modestie, la fidélité et la façon de se comporter moralement. Il convient qu'il sera célébré chaque année, et une fête qui porte son nom, pour les nombreuses audiences attribuées à son contact miraculeux, sont une preuve visible qu'il mérite d'être accordé, par le Sacro-Saint Synode de la Sainte Église catholique, apostolique assyrienne de l'Orient. Son âme ne sera jamais reposée en paix, que si les gens qui l'aimaient tant, et amenaient pendant plus d'un demi-siècle, à réaliser leur Dieu donné des droits à l'autodétermination, et à la sécurité dans une patrie, qu'ils peuvent fièrement appeler leur propre. Compilé par Ashur Sherry. Toronto, Canada. Mercredi 29 mai 2013.